Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas une prise de casse? De bonne casse est bonne. Oh, ça. Voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Un peu de patience, mon frère. Je vais revenir. Tenez, monsieur! Vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton? Ah, tu as raison.